بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Lorsque la terre sera secouée par un séisme terrible, lorsqu'elle sortira les charges de ses entrailles, lorsque l'homme se demandera ce qu'elle a, elle racontera alors sa propre histoire. Elle dira que ton Seigneur lui a intimé des ordres. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ce jour-là, les ressuscités se présenteront séparément pour qu'il soit montré à chacun le bilan de son action. Quiconque aura accompli l'équivalent d'un atome en bien le verra. Et quiconque aura commis l'équivalent d'un atome en mal le verra.